Alors, une petite Les Paul Junior. C'est gentil ça. Bon, comment on fait pour s'accorder sans accordeur? On peut accorder une basse sur un.